Et les principes fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de divergence entre les musulmans, c'est un, le tawhid, il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad et son envoyé, et puis, donc là, il a illallah Muhammadun Rasulullah, et puis également l'élément de la aqida, c'est-à-dire le credo musulman, et qui est constitué des six piliers de ce qu'on appelle la foi, arkan al-iman, la croyance en un Dieu unique, la croyance en ses livres, la croyance en ses prophètes, la croyance aux anges, la croyance au jour du jugement dernier, et en la prédestination, en ce qu'elle a de bien et de mauvais. Six piliers, là-dessus, tous les savants musulmans sont d'accord, pas de distinction, pas de divergence de lecture.